en position assise, dos droit, épaules basses, visage détendu, mâchoire relâchée, respirez amplement et lentement. Concentrez-vous sur la plante de vos pieds, ainsi que sur toutes les parties de votre corps en contact avec le sol ou ce qui y est relié, tels que le sol, la chaise, un coussin, un matelas, etc. Imaginez des racines qui naissent à la plante des pieds et qui s'étendent jusqu'au centre de la terre. Imaginez un fil qui s'élance du sommet de la tête vers le cosmos. Imaginez une connexion entre les racines profondes et le fil relié au cosmos. Respirez amplement en favorisant le sens d'une fluidité, d'une connexion à vous-même, à la Terre et à l'immensité du cosmos. Gonflez le ventre sur l'inspiration. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5, expirez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, inspirez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, expirez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, inspirez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.